Les activités mathématiques ne constituaient donc qu'un passe-temps pour Napper. On le connaît pour avoir donné quelques formules en trigonométrie sphérique et pour avoir popularisé la notation du point pour séparer la partie entière et la partie fractionnaire d'un nombre en écriture décimale. Surtout, il est passionné par le fait de rendre le plus simple et le plus rapide possible les calculs portant sur les multiplications, les divisions et les extractions de racines carrées de grands nombres. Cela le conduit d'une part à l'invention des os de Napper, des petits bâtons de bois sur lesquels sont inscrites les tables de multiplication et qui permettent de simplifier ces opérations. Surtout, cela le conduit à l'invention des logarithmes.